Quand tu m'as quitté, j'étais triste. Alors j'ai pleuré. Pleuré, pleuré, pleuré, toutes les larmes de mon cœur. J'ai marché, marché en pleurant. Je suis partie loin pour oublier. Et une fois que j'avais sombré et que je m'étais perdue et que je ne pouvais plus pleurer, tu n'as toujours pas réapparu. Alors là, j'ai bu, j'ai fumé, j'ai dealé, j'ai volé. Et je me suis aperçue que je ne pleurais plus. Alors j'ai continué jusqu'au jour où je me suis fait enfermer. Alors là, j'ai commencé à m'interroger, commencé à regretter, commencé à pleurer, même commencé à écrire. Au début, mes larmes revenant tombaient sur ma feuille. Elles me réconfortaient. Puis quand elles se sont arrêtées, j'ai été libérée. J'ai continué à écrire, mais mes larmes n'étaient plus là. Et vite, ceci devint monotone. Et puis j'ai recommencé. J'ai bu, j'ai fumé, j'ai dealé, j'ai volé. Mais je t'ai revu. Tu ne m'as pas reconnu. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. Puis j'ai réécrit jusqu'à ma mort.